Eric Ouimana sur la mise en onde. Nous sommes vendredi 14 août. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. Les victimes des inondations des quartiers urbains Winherekwa et Nyabagere disent avoir des difficultés, dont le manque d'eau potable. Vous l'entendrez dans cette édition. 5 à 10 ans de prison ferme et une indemnité d'1,4 million de francs burundais et la peine que vient de prononcer la cour d'appel de Makamba à l'encontre de 13 sur 16 personnes accusées d'extorsion et assassinat. 15 personnes sont mortes suite aux accidents routiers en province Ngozi durant le mois de juillet de cette année. Et le reportage du jour nous conduira en commune Guiheta de la province Gitega où certains habitants divergent sur le sort des restes humains des victimes des tueries. Vous l'entendrez incessamment. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, 15 personnes ont été victimes des accidents de route durant le mois de juillet de cette année en province Ngozi. Les principales causes d'après les autorités policières d'Ngozi sont l'excès de vitesse, la méconnaissance du code routier et le manque de signalisation routière, ce qui a poussé le Rotary Club d'Ngozi à lancer une activité de visualisation et d'installation des dodanes et des poteaux de signalisation ce vendredi dans cette province. Le point avec Apollinaire Muzagara. Comme l'a dit Claude Nguezabahizi, représentant du Rotary Club Ngozi, les accidents routiers sont monnaie courante ces jours-ci sur la route nationale 6 tronçon province Ngozi. Même constat chez les autorités administratives et policières de cette province que ces accidents figurent parmi les causes de l'insécurité. Le constat est qu'il y a absence de poteaux de signalisation, de dodanes dans les agglomérations et même l'inexistence de ces derniers dans ces lieux à forte affluence de la population. Sur cette route principale Goudron, à titre illustratif, Claude Nguezabahizi cite Rukecho en commune Busiga, les endroits communément appelés Burengo, Kujamivo, Kuiferemi, Agashikanwa et autres. Lors d'une réunion du gouverneur avec les chefs de service, le commissaire régional nord de la police, Félix Gaitira, a annoncé 15 décès dus aux accidents routiers pour le seul mois de juillet passé ont été enregistrés, dont 6 par moto. Rotary Club Ngozi a en conséquence ouvert officiellement des activités de visualisation de ces deux dames et poteaux de signalisation ce vendredi suivant. Selon son représentant, la mise sur pied d'autres dodanes et poteaux là où ils sont nécessaires sur la RN6 et dans d'autres lieux très fréquents, cela a envie de diminuer le nombre de victimes de ces accidents. Activité saluée par Joseph Martin Buchumi et Patience Ngejimana, respectivement administrateur de la commune Ngozi et représentant provincial de l'Association des transporteurs du Burundi, dont Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Page commerce à présent, les propriétaires des stations-service des provinces du centre doutent que le Bureau burundais de normalisation, BBN, puisse faire l'inspection des entrepôts des produits pétroliers, car des fois, ils reçoivent des quantités inférieures à celles demandées. C'était ce jeudi à Gitega dans un atelier d'échange entre l'autorité de régulation des secteurs de l'eau, du pétrole et de l'énergie et les administratifs sur la régulation du marché de pétrole et les produits pétroliers au Burundi. Au BBN, l'on indique que l'inspection des entrepôts pétroliers se fait chaque année. Le point avec Arthur Kavaouchi. Dans cet atelier, ces pétroliers ont posé différentes questions. Nakarutimana Oswald de la station Delta à Muramvya demande si le BBN inspecte les entrepôts, si les pompes ne sont pas trafiquées parce que eux, ils ont un moyen de le vérifier quand ils sont en train de détailler. Comme BBN est l'œil du gouvernement, il ne faut pas qu'il inspecte uniquement les détaillants, mais également les entrepôts. Simon Misigaro du BBN dit que chaque année, ils inspectent le compteur des sorties et vérifient s'il est en bon état pour délivrer un certificat. Et souvent, c'est sur demande de propriétaires d'entrepôts. Mais il indique qu'il faut voir si le problème n'est pas ailleurs. Il fait également savoir que bientôt, ils vont inspecter l'entrepôt de Gitega. Au Pessin 1, Ngourouzi Zadeyandre du commissariat de police à Rutana, lui veut savoir où va les amendes dans ce secteur, car ces amendes peuvent aller à 100 000 et 500 000 du moment que certaines amendes vont à l'obéir pour certains montants. Simon Misigaro indique que si le litre coûte 2400 francs bout, l'amende est de 2400 francs fois 3. Tout en soulignant que ces amendes ne vont pas au BBN ni chez AREN, mais sur un compte ouvert au trésor public. Pour ce qui est de donner le carburant dans les bidons, le directeur général d'AREN fait savoir que c'est strictement interdit, sauf pour ceux qui ont une autorisation écrite par les personnes autorisées dans ce secteur. Ils attendent une loi claire qui montre les normes pour construire les stations-service, vu que certaines stations cohabitent avec les hôtels et autres bâtiments, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Artu Kavabushi Gitega, Radio Sanganiro. De la province Gitega, capitale politique du Burundi, rendons-nous en province Kayanza, c'est au nord du Burundi, où des impôts et taxes élevés fixés par l'administration communale de la commune Kayanza ces derniers jours et la migration des commerçants de cette même commune vers d'autres localités, tels sont les principaux défis qui entravent le commerce à Kayanza. Cela a été dit ce jeudi par les commerçants de la commune Kayanza lors d'une réunion avec le gouverneur de cette province. Cette autorité provinciale invite ces commerçants à s'atteler à leurs activités dans le strict respect des lois régissant ce secteur. Le colonel Rémi Tchichara tranquillise et promet son implication dans l'assainissement du climat des affaires. Le point avec Patrick Nsengiyumv. Dans cette réunion organisée par le gouverneur de la province Kayanza, colonel Rémi Tchichara, à l'endroit des commerçants de la commune Kayanza, il a été une occasion pour ces derniers d'exposer certains défis qui ont entravé le développement du secteur du commerce à Kayanza. Parmi ces défis, ils ont cité entre autres la corruption, la hausse des impôts et taxes par la commune sans en être informés. Ils ont également indiqué que quand ils livrent leurs produits dans d'autres communes de la province Kayanza sont assimilés aux fraudeurs et que leurs produits sont saisis. Ainsi, tous ces défis ont été à la base de l'immigration commerciale effectuée par pas mal de commerçants de cette localité vers d'autres provinces du pays, indiquent toujours ces commerçants. Une autre contrainte au développement du secteur du commerce à Kayanza sera toujours les commerçants de cette circonscription et la dégradation des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda, pays frontalier à la province Kayanza. Le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Tshishahayo, a tranquillisé ces commerçants, leur promettant qu'il est grand que chacun fait sa activité en toute quiétude vers l'autodéveloppement et le développement intégral du pays. Toutefois, il a demandé à ses commerçants de travailler dans le strict respect de la loi régissant le secteur du commerce. Rémi Tshishahayo promet également l'implication de l'administration dans le but de l'assainissement du climat des affaires. Cette autorité provinciale à Kayanza a saisi cette occasion pour informer aux commerçants de la commune Kayanza que bientôt des commerçants en provenance du Kenya viendront exercer le commerce en province Kayanza et leur demande de bien les accueillir et de bien collaborer avec eux. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page justice à 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro. 5 à 10 ans de prison ferme et une indemnité de 1 400 000 francs burundais. Telle est la peine prononcée par la cour d'appel de Makamba ce vendredi à la prison centrale de Rumonge contre 13 des 16 personnes accusées d'extorsion et assassinat contre des Burundais rentrant de la Tanzanie. Tous les 13 se sont rendus coupables uniquement d'extorsion et 3 autres cités dans cette affaire ont été acquittés. Une information que nous devons à notre correspondant en province Rumonge, Jean-Pierre Misago. Restons au sud du Burundi pour parler cette fois-ci environnement. Les propriétaires des étables et maisonnettes dans l'air protégé sur la colline Inanzegwe doivent l'acquitter dans les plus brefs délais. Ceci ressort d'une visite effectuée ce jeudi par les gouverneurs des provinces Makamba et Wururi après un incendie déclaré mercredi soir. Ces deux autorités des provinces du sud du Burundi projettent un reboisement sur cette colline Inanzegwe, séparant ces deux provinces. Le point avec Jérôme Hakizimana. Voulons savoir voir si les administratifs à la base sur cette colline Nazegwe, où se trouve cette aire protégée incendiée, le soir de ce mercredi, suivent de près ce qui s'y passe. Le gouverneur de la province Bururi, colonel Bandenzamas Leonidas, a révélé avoir lui-même vu lors de son arrivée des gens en cours d'immigrer vers cette forêt. Y arrivé, le constat a été qu'on y pratique l'élevage de bétail, les étables construites, les maisonnettes des gardiens pour ne citer que cela. L'origine de cet incendie reste encore inconnue selon Joseph Niongabo, le chef de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Makamba. Ces gouverneurs de deux provinces limitrophes ont décidé de faire déménager dans les plus brefs délais ceux qui se sont fait sourds d'oreilles en y pratiquant des activités d'intérêt individuel. Selon ces autorités, l'élevage du bétail n'exclut en aucun cas le respect et la protection de l'environnement. Ici, l'élevage de stabulation permanente ayant été une option suggérée. Le projet de reboisement de cette colline Nazegwe par la plantation d'arbres est l'un de leurs projets d'urgence et ce en ayant ces trois futures années. 45 hectares sur cette colline Nazegwe sont partis en fumée sur les 49 hectares déjà brûlés dans toute la province, comme l'indique Joseph Niongabo, le chef de l'OBPE Makamba. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci à Jérôme Hakizimana. Poursuivons cette édition à 13h07 dans nos studios. Par cette page santé, certaines personnes testées positives au coronavirus disent être socialement discriminées selon le témoignage d'une femme qui a regagné son domicile et son poste de travail après hospitalisation suite au coronavirus. Elle interpelle toute personne présentant ou pas des symptômes de la COVID-19 à se faire dépister afin de s'assurer de son état de santé à la famille et l'entourage des malades du COVID-19 de ne pas les discriminer. Et c'était peu au sein de la communauté dû au fait que tout le monde évite d'être contaminé. Le psychologue Jean Bosco Ndayishimiye appelle la société à vaincre cette peur tout en respectant les mesures d'hygiène. Sinon, pour lui, la stigmatisation peut entraîner les familles à cacher leurs malades qui auraient besoin de plus de soins et d'attention. On l'écoute. Et une pandémie, ça crée d'abord la peur. Et la peur, elle est là, comme une réalité visible, qui se manifeste dans le comportement d'évitement des gens. Mais il y a la confusion aussi, il y a l'anxiété, et tout ça s'accompagne de la stigmatisation des personnes qui sont déjà étiquetées d'être malades. On parle de suspect, ce qui est très péjoratif, on parle d'isolement, ce qui aussi a une connotation très, oui, technique, mais péjoratif aussi. Et de toute façon, ça faut que la stigmatisation, la tendance à la stigmatisation. Quoi qu'il en soit, que la personne soit sortie de l'hôpital, que sa maladie a été bien traitée, d'abord il faut faire confiance aux structures de prise en charge. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de vaincre cette peur. Pour cela, il faut toujours compter sur le respect, l'observance des mesures barrières. Même s'il est bien guéri, la recommandation générale, c'est de respecter les mesures barrières. Ces mesures de barrières vont permettre de garantir que les risques sont minimisés, parce que finalement, si on ne fait pas ça, il y aura beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que la stigmatisation peut pousser les familles et la communauté à cacher leurs malades pour éviter d'être discriminés et d'être stigmatisés, comme vous l'avez dit. Et ça peut empêcher aussi les individus qui se sentent avec les symptômes d'aller directement demander assistance, de se faire soigner immédiatement. Et ça, c'est aussi un risque de cacher et d'aggraver la situation. Et du coup, en attendant, pendant cette période d'hésitation, il va contaminer les autres. En dernière position, la stigmatisation, la discrimination, ça peut empêcher les individus d'adopter des comportements qui, naturellement, sont propices à la bonne santé. Comme conseil, essayer d'accompagner les personnes qui sont sorties des hôpitaux ou bien alors qui ont été touchées par la maladie. Jean Bosco Ndayishimiye, psychologue au micro d'Aimé Richard Niyonkuru. Je vous l'avais annoncé en titre, le manque d'eau potable et de vivres sont certains des problèmes que les habitants du quartier Winherekwa, victimes des inondations de la zone urbaine de Gihosha, ont exposé hier à l'administrateur de la commune Nahangwa lors de sa visite. Les tentes servant d'abri sont endommagées, déplorent-ils. Ils réclament d'être placés ailleurs. Et Ernest Neonzima leur a promis de transmettre leurs doléances à ses supérieurs afin de trouver une issue favorable. Le point avec Jean-Marie Mayong. Exposant leurs doléances au nouveau administrateur de la commune Nhangwa, ses habitants disent qu'ils vivent dans des mauvaises conditions car les tentes sont abîmées et les maladies de la peau commencent à les menacer. Nous avons bénéficié de l'aide depuis le mois de février. Vous voyez les tentes déchirées. Les maladies de la peau menacent ceux qui sont ici. Nous avons adressé une correspondance au chef de zone, mais la réponse donnée ne nous a pas plu. Les autorités nous demandent de patienter ici dans les tentes. Les raisons qui nous ont poussés d'aller chez l'Ombudsman, c'était de plaider afin que nos problèmes trouvent une solution. Les maladies sont nombreuses. Il demande à l'administrateur de la commune Nhangwa de tout faire pour qu'il cesse de continuer à vivre dans des tentes et si possible de les trouver un autre endroit. Nous vous demandons, vous monsieur l'administrateur, écoutez nos doléances. Nous voulons quitter cet endroit pour continuer la vie comme d'autres citoyens. Essayez de voir ce qu'il faut pour nous trouver un autre endroit. Nous souffrons beaucoup. Nous avons beaucoup de problèmes. Quand il va pleuvoir, nous irons où? Le chef du quartier, Ouinerekwa, dit qu'il est préoccupé par les conditions de vie dans lesquelles ses habitants vivent et demande à l'administrateur de tout faire pour les aider. L'appel lancé par ses habitants comme autorité, c'est vrai, la question sur le manque d'eau potable est une réalité. Ils ont passé plus de 3 mois sans être servis en eau potable. Il y a ceux qui ont retouché leur maison et qui demandent des tôles au gouvernement. Ernest Nyonzima, administrateur de la commune de Nhangwa, a promis de transmettre le message au maire de la ville pour que leurs problèmes trouvent une réponse favorable. Je vous promets de transmettre vos doléances à mes supérieurs. Ceux qui ont déjà retouché leur maison, je demande au chef du quartier de nous faire la liste des maisons qui nécessitent des tôles. Et quant à nous, nous allons la présenter au gouvernement. Le maire de la ville de Bujumbura est au courant de cette question. Ces habitants victimes des inondations du quartier Ouinerekwa avaient déjà rencontré l'Ombudsman Ebondé et ce dernier leur a fixé un autre rendez-vous mercredi de la semaine prochaine. À la source, reportage. Les habitants de la colline Massasoua en commune Guéhété de la province Gitega divergent sur le sort des restes humains des victimes de différentes tueries du passé. Aujourd'hui, en cours d'exhumation, certains trouvent qu'il faut les enterrer dignement, tandis que d'autres considèrent qu'il faut plutôt les conserver soigneusement. Aloïse Batungwana, commissaire chargée d'enquête au sein de la commission Vérité et Réconciliation, dit que jusqu'à présent, la loi prévoit un enterrement digne, ce qui, selon lui, est contraire à la demande de la majorité populaire. Le point avec Eline Bell Nibigir. Nous sommes sur la colline Massasou de la commune Guéhété en province Gitega. C'est un endroit où l'on a fraîchement exhumé des restes humains, des gens victimes des crimes du passé qu'a connu le Burundi. Les habitants ne sont pas unanimes sur le sort réservé à ces restes humains. Certains estiment que ces restes humains devraient être conservés dignement, à tel point que tout Burundais, présent ou la génération future, personne ne recourt aux tueries. Je pense qu'il faut les mettre à la portée de tout le monde, afin que tout enfant ou tout petit enfant ou arrière-petit enfant se rende compte de ce drame et renonce aux tueries. Moi, je crois qu'il faut les rassembler dans un endroit qui va constituer un site mémorial. Selon le chef collinaire de Massasou, Tite Akizimana, ces restes humains devraient être enterrés dignement, expliquant qu'il s'agit des Burundais innocents qui ont été assassinés. Au niveau de la commission Vérité et Réconciliation, l'on précise que des textes en vigueur prévoient l'enterrement digne de ces restes humains. Aloïse Batungwanayo, chargée d'enquête au sein de cette commission, trouve cependant que ces dispositions sont contraires à la volonté du peuple. Le sort des restes humains jusqu'à aujourd'hui, au niveau légal, la loi sur la commission Vérité et Réconciliation nous demande d'exhumer et de pouvoir procéder à l'enterrement digne. Mais, vous savez, en matière de recherche, nous sommes guidés par le dynamisme. La recherche n'est pas statique. La majorité des gens nous demandent de conserver ces restes humains. Quelque part, pas les exposer bien entendu, mais les conserver quelque part afin que ça reste des témoins des horreurs. La CVR promet des concertations avec les législateurs pour leur parler des souhaits de la population. Eline Bell Nibigira à 13h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré parfaitement la mise en onde. Excellent après-midi à tous. Au revoir.